20e chapitre. Les jours d'emprisonnement. L'arrivée d'une seconde machine de combat nous fit abandonner notre lucarne pour nous retirer dans la laverie, car nous avions peur que, de sa hauteur, le Martien pût nous apercevoir derrière notre barrière. Plus tard, nous nous sentîmes moins en danger d'être découverts, car pour des yeux éblouis par l'éclat du soleil, notre refuge devait sembler un impénétrable trou de ténèbres. Mais tout d'abord, au moindre mouvement d'approche, nous regagnions en hâte la laverie, le cœur battant à tout rompre. Cependant, malgré le danger effrayant que nous courions, notre curiosité était irrésistible. Je me rappelle maintenant avec une sorte d'étonnement qu'en dépit du danger infini où nous étions de mourir de faim ou d'une mort plus terrible encore, nous nous disputions durement l'horrible privilège de voir ce qui se passait à l'extérieur. Nous traversions la cuisine à une allure grotesque. Entre la précipitation et la crainte de faire du bruit, nous poussant, nous bousculant et nous frappant à deux doigts de la mort. Le fait est que nous avions des dispositions et des habitudes de penser et d'agir absolument incompatibles. Le danger et l'isolement dans lequel nous étions accentuaient encore cette incompatibilité. À Halliford, j'avais pris en haine les simagrées et les exclamations inutiles, la stupide rigidité d'esprit du vicaire. Ces murmures et ces monologues interminables gênaient les efforts que je faisais pour réfléchir et combiner quelques projets de fuite, et j'en arrivais parfois de ne pouvoir y échapper à un véritable état d'exaspération. Il n'était pas plus qu'une femme capable de se contenir. Pendant des heures entières, il se mettait à pleurer, et je crois vraiment que, jusqu'à la fin, cet enfant gâté de la vie pensa que ses larmes étaient en quelque manière efficaces. Il me fallait rester assis dans les ténèbres sans pouvoir, à cause de ses importunités, détacher de lui mon esprit. Il mangeait plus que moi, et je lui disais en vain que notre seule chance de salut était de demeurer dans cette maison jusqu'à ce que les Martiens en aient fini avec leurs cylindres et que, dans cette attente probablement longue, le moment viendrait où nous manquerions de nourriture. Il mangeait et il buvait par accès, faisant ainsi de gros repas à de longs intervalles, et il dormait fort peu. À mesure que les jours passaient, sa parfaite insouciance de toute précaution augmenta tellement notre détresse et notre danger que je dus, si dur que cela fût pour moi, recourir à des menaces et finalement à des voies de fait. Cela le mit à la raison pendant un certain temps. Mais c'était une de ces faibles créatures, toutes de souplesse rusée, qui n'osent regarder en face ni Dieu ni homme, pas même s'affronter soi-même, âme dépourvue de fierté, timorée, anémique, haïssable. Il m'est infiniment désagréable de me rappeler et de relater ces choses, mais je le fais quand même pour qu'il ne manque rien à mon récit. Ceux qui n'ont pas connu ces sombres et terribles aspects de la vie blâmeront assez facilement ma brutalité, mon accès de fureur dans la tragédie finale, car ils savent mieux que personne ce qui est mal et non ce qui devient possible pour un homme torturé. Mais ceux qui ont traversé les mêmes ténèbres, qui sont descendus au fond des choses, ceux-là auront une charité plus large. Tandis que dans notre refuge, nous nous disputions à voix basse, en une obscure et vague contestation de murmures, nous arrachant la nourriture et la boisson, nous tordant les mains et nous frappant, au dehors, sous l'impitoyable soleil de ce terrible juin, était l'étrange merveille, la surprenante activité des Martiens dans leur fosse. Je reviens maintenant à mes premières expériences. Après un long délai, je m'aventurai à la lucarne et je m'aperçus que les nouveaux venus étaient renforcés maintenant par les occupants de trois des machines de combat. Ces derniers avaient apporté avec eux certains appareils inconnus qui étaient disposés méthodiquement autour du cylindre. La seconde machine à main était maintenant achevée et elle était fort occupée à manier un des nouveaux appareils que l'une des grandes machines avait apporté. C'était un objet ayant la forme d'un de ces grands bidons dans lesquels on transporte le lait, au-dessus duquel oscillait un récipient en forme de poire, d'où s'échappait un filet de poudre blanche qui tombait au-dessous dans un bassin circulaire. Le mouvement oscillatoire était imprimé à cet objet par l'un des tentacules de la machine à main. Avec deux appendices spatulés, la machine extrayait de l'argile qu'elle versait dans le récipient supérieur, tandis qu'avec un autre bras, elle ouvrait régulièrement une porte et ôtait de la partie moyenne de la machine des scories roussies et noires. Un autre tentacule métallique dirigeait la poudre du bassin au long d'un canal à côte vers un récepteur qui était caché à ma vue par le monticule de poussière bleuâtre. De cet invisible récepteur montait verticalement, dans l'air tranquille, un mince filet de fumée verte. Pendant que je regardais, la machine, avec un faible tintement musical, étendit, à la façon d'un télescope, un tentacule qui, simple saillie le moment précédent, s'allongea jusqu'à ce que son extrémité eût disparu derrière le tas d'argile. Une seconde après, il soulevait une barre d'aluminium blanc, pas encore ternie et d'une clarté éblouissante, et la déposait sur une pile de barres identiques disposées au bord de la fosse. Entre le moment où le soleil se coucha et celui où parurent les étoiles, cette habile machine dut fabriquer plus d'une centaine de ces barres, et le tas de poussière bleuâtre s'éleva peu à peu jusqu'à ce qu'il eût atteint le rebord du talus. Le contraste entre les mouvements rapides et compliqués de ces appareils et l'inertie gauche et haletante de ceux qui les dirigeaient était des plus vifs, et pendant plusieurs jours je dus me répéter, sans parvenir à le croire, que ces derniers étaient réellement des êtres vivants. C'est le vicaire qui était à notre poste d'observation quand les premiers humains furent amenés au cylindre. J'étais assis plus bas, ramassé sur moi-même et écoutant de toutes mes oreilles. Il eut un soudain mouvement de recul, et croyant que nous avions été aperçus, j'eus un spasme de terreur. Il se laissa glisser parmi les décombres et vint se blottir près de moi dans les ténèbres, gesticulant en silence. Pendant un instant, je partageais sa terreur. Comprenant à ses gestes qu'il me laissait la possession de la lucarne, et ma curiosité me rendant bientôt tout mon courage, je me levai, l'enjambai et me hissai jusqu'à l'ouverture. D'abord, je ne pus voir aucune cause à son effroi. La nuit maintenant était tombée, les étoiles brillaient faiblement, mais le trou était éclairé par les flammes vertes et vacillantes de la machine qui fabriquait les barres d'aluminium. La scène entière était un tableau tremblotant de lueurs vertes et d'ombres noires, vagues et mouvantes, étrangement fatigantes à la vue. Au-dessus et en tous sens, se souciant peu de tout cela, voletaient les chauves-souris. On n'apercevait plus de martiens rampants. Le monticule de poudre vert bleu s'était tellement accru qu'il les dissimulait à ma vue, et une machine de combat, les jambes repliées, accroupie et diminuée, se voyait de l'autre côté du trou. Alors, par-dessus le tapage de ces machines en action, me parvint un soupçon de voix humaine que je n'accueillis d'abord que pour le repousser. Je me mis à observer de près cette machine de combat, m'assurant pour la première fois que l'espèce de capuchon contenait réellement un martien. Quand les flammes vertes s'élevaient, je pouvais voir le reflet huileux de son tégument et l'éclat de ses yeux. Tout à coup, j'entendis un cri et je vis un long tentacule atteindre, par-dessus l'épaule de la machine, jusqu'à une petite cage qui faisait saillie sur le dos. Alors quelque chose qui se débattait violemment fut soulevé contre le ciel, énigme vague et sombre contre la voûte étoilée. Et au moment où cet objet noir était ramené plus bas, je vis à la clarté verte de la flamme que c'était un homme. Pendant un moment, il fut clairement visible. C'était en effet un homme d'âge moyen, vigoureux, plein de santé et bien mis. 3 jours auparavant, il devait, personnage d'importance, se promener à travers le monde. Je pus voir ses yeux terrifiés et les reflets de la flamme sur ses boutons et sa chaîne de montre. Il disparut derrière le monticule et pendant un certain temps, il n'y eut pas un bruit. Alors commença une série de cris humains et de la part des Martiens, un bruit continu et joyeux. Je descendis du tas de décombres, me remis sur pied, me bouchai les oreilles et me réfugiai dans la laverie. Le vicaire, qui était resté accroupi, silencieux, les bras sur la tête, leva les yeux comme je passais, se mit à crier très fort à cet abandon et me rejoignit en courant. Cette nuit-là, cachés dans la laverie, suspendus entre notre horreur et l'horrible fascination de la lucarne, j'essayais en vain, bien que j'eusse conscience de la nécessité urgente d'agir, d'échafauder un plan d'évasion. Mais le second jour, il me fut possible d'envisager avec lucidité notre position. Le vicaire, je m'en aperçus bien, était complètement incapable de donner un avis utile. Ces étranges terreurs lui avaient enlevé toute raison et toute réflexion, et il n'était plus capable que de suivre son premier mouvement. Il était en réalité descendu au niveau de l'animal. Mais néanmoins, je me résolus à en finir, et à mesure que j'examinais les faits, je m'aperçus que, si terrible que pût être notre situation, il n'y avait encore aucune raison de désespérer absolument. Notre principale chance était que les Martiens ne fissent de leur fosse qu'un campement temporaire. Au cas même où ils le conserveraient d'une façon permanente, ils ne croiraient probablement pas nécessaire de le garder, et nous avions quand même là une chance d'échapper. Je pesais soigneusement aussi la possibilité de creuser une voie souterraine dans la direction opposée au cylindre. Mais les chances d'aller sortir à portée de vue de quelques machines de combat en sentinelle semblèrent d'abord trop nombreuses. Il m'aurait d'ailleurs fallu faire tout le travail moi-même, car le vicaire ne pouvait m'être d'aucun secours. Si ma mémoire est exacte, c'est le 3e jour que je vis tuer l'être humain. Ce fut la seule occasion où j'ai vu réellement un martien prendre de la nourriture. Après cette expérience, j'évitais l'ouverture du mur pendant une journée presque entière. J'allais dans la laverie, enlevais la porte et me mis à creuser plusieurs heures de suite avec ma hachette, faisant le moins de bruit possible. Mais quand j'eus réussi à faire un trou profond d'une couple de pieds, la terre fraîchement entassée contre la maison s'écroula bruyamment et je n'osais pas continuer. Je perdis courage et demeurai étendu sur le sol pendant longtemps, n'ayant même plus l'idée de bouger. Après cela, j'abandonnai définitivement l'idée d'échapper par une tranchée. Ce n'est pas un mince témoignage en faveur de la puissance des Martiens que de dire qu'ils m'avaient fait, dès le premier abord, une impression telle que je n'entretins guère l'espoir de nous voir délivrés par un effort humain qui les détruirait. Mais la quatrième ou la cinquième nuit, j'entendis un bruit sourd comme celui que produiraient de grosses pièces d'artillerie. C'était très tard dans la nuit et la lune brillait d'un vif éclat. Les Martiens avaient emporté ailleurs la machine à creuser et ils avaient déserté l'endroit, ne laissant qu'une machine de combat au haut du talus opposé et une machine à main qui, sans que je pusse la voir, était à l'œuvre dans un coin de la fosse immédiatement au-dessous de ma lucarne. À part le pâle scintillement de la machine à main, des bandes et des taches de clair de lune blanc, la fosse était dans l'obscurité, et de même absolument tranquille, hormis le cliquetis de la machine. La nuit était belle et sereine. Une planète tentait de scintiller, mais la lune semblait avoir pour elle seule le ciel. Un chien hurla, et c'est ce bruit familier qui me fit écouter. Alors, j'entendis distinctement de sourdes détonations, comme si de gros canons avaient fait feu. J'en comptais 6 très nettes, et après un long intervalle, 6 autres, et ce fut tout.